tous. Je commencerai mon propos par remercier le président du comité d'organisation et son équipe pour m'avoir associé à ce grand événement scientifique. Le propos de ma communication s'intitule « Être musulman à Cocody, l'expérience réussie de la communauté musulmane de la Riviera ». En fait, Cocody, c'est une des 13 communes du district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et Cocody a l'avantage de voir résider les dignitaires du régime, les ambassadeurs, en tout cas les cadres de classe supérieure. Pour mener à bien cette étude, j'ai constitué un certain nombre d'ouvrages. Je vais faire l'économie. Je n'ai cité que deux ouvrages. Celui de Daniel Raymond, qui a travaillé sur religion dans la vie de croyance et changements sociaux, dans lequel il montre un peu les conséquences du passage de la campagne à la vie et comment est-ce que les adultes et les jeunes scolarisés se représentent la religion. Ensuite, j'ai consulté également l'ouvrage de Touré Vassiliki, qui parle des organisations pionnières des intellectuels musulmans de Côte d'Ivoire, dont l'une des plus prestigieuses est l'Association des élèves musulmans et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Et la particularité donc de mon étude par rapport à ces travaux précédents, c'est qu'elle apporte un aspect innovant, notamment celle des relations entre religion et classe sociale. La problématique que j'ai pu dégager à travers mon étude, c'est de savoir comment est-ce que les changements de statut social ou résidentiel ont influé sur les pratiques religieuses des cadres musulmans à travers le cas spécifique de la commune de Cocody à Abidjan. Quelles furent les stratégies et les moyens déployés par la communauté musulmane de la Riviera pour les inciter à s'intéresser davantage à l'islam? Et que dire du bilan de cette association? Comme méthode de travail, j'ai consulté les ouvrages, comme je le disais tantôt, et puis j'ai mené également des enquêtes de terrain, et donc c'est la symbiose de toute cette méthodologie qui m'a permis donc d'élaborer le point suivant. En première partie, l'état des lieux de la pratique religieuse des cadres musulmans à Cocody. En deuxième, la création de la communauté musulmane de la Riviera et les moyens mis en œuvre pour reconduire les cadres à l'islam. En troisième, l'impact des actions menées par la CMR. En premier point, l'état des lieux de la pratique religieuse des cadres musulmans à Cocody. Le premier point qui est ressorti de mes lectures et de mes enquêtes du terrain, c'est le contexte politique et la peur de perdre les privilèges sociaux. Il faut dire qu'au tournant donc des indépendances, la Côte d'Ivoire, comme la plupart des États africains ouest, des États africains de l'Ouest, n'ont fait que continuer la politique coloniale à l'égard des entités musulmanes. Et donc, toute expression religieuse du cadre musulman était qualifiée d'intégrisme ou d'une quelconque collaboration avec les pays arabes. Du coup, les cadres qui refusaient, qui ne voulaient pas être dans le viseur donc, des autorités politiques et risquent de perdre certains postes dans l'administration, ont préféré plutôt démontrer leur neutralité religieuse. Le deuxième aspect de cet état des lieux, c'est l'incompatibilité entre l'islam et le statut social. Il faut dire que c'est le sentiment exprimé par certains musulmans lors des enquêtes de terrain. Et nous nous sommes intéressés au parcours de trois parmi ces cadres. Et nous avons pu apprécier l'incidence du statut social dans leur degré de religiosité. Parce que pour eux, le statut social, leur statut social rimait avec un certain nombre d'activités festives qu'il était difficile de maintenir en pratiquant l'islam. Le troisième point également, ils nous disaient qu'ils étaient musulmans, mais pas pratiquants. J'ai essayé de comprendre à quoi allumait cette phrase, cette formulation. En fait, ces cadres, pour la plupart, avaient reçu l'islam en héritage. Ils n'avaient donc de musulmans que le nom qu'ils portaient. Du coup, la jeunesse regardait l'islam comme une affaire de quartier populaire, hein, comme une affaire de vieux. Et 83% des musulmans tenaient les vieux d'ailleurs pour les meilleurs pratiquants contre 2% pour les jeunes. Le deuxième élément de mon intervention, c'est la création donc de la CMR, cette association de cadres, et les moyens mis en œuvre pour conduire les cadres à l'islam. Le premier élément, c'est la création de la CMR. Et en 82, c'est ces cadres qui se retrouvent dans le quartier UP de Cocody se retrouvent pour mettre en place une association qui est dénommée donc la communauté musulmane de la Riviera. Il faut dire que ce geste est d'une portée historique importante parce qu'il leur permettait de surmonter tous les préjugés, mais aussi il marquait une sorte de rentrée officielle de l'islam au sein d'une commune résidentielle. Deuxième élément, j'ai voulu également savoir le profil sociologique de ces cadres. La plupart étaient des enseignants d'université, des médecins, des banquiers, qui vont chercher donc à se former et s'appuyer surtout, bénéficier surtout de l'aide de certains imams formés dans les prestigieuses universités arabo-musulmanes comme Al-Azhar en Égypte ou bien Médine en Arabie Saoudite, etc. Troisième élément, les moyens mis en œuvre pour conduire les cadres à l'islam. Il faut dire que c'est par la sensibilisation et la formation que les cadres de la CMR entendaient amener leurs religionnaires à renouer avec la pratique islamique. Et ils prêchèrent surtout par l'exemple, en montrant aux autres cadres qu'il était possible d'être à la fois éduqué à l'occidental, inséré dans l'économie moderne et être un bon musulman. Et pour permettre à ces cadres de s'adonner régulièrement à l'islam, et comme la plupart de ces quartiers résidentiels n'habitaient pas encore de mosquée, ils ont fait donc de la recherche du terrain leur priorité pour pouvoir bâtir donc des mosquées. Troisième point, l'impact des actions de la CMR. Le premier impact, c'est la compréhension de l'islam et surtout le complexe des cadres. On voit que les cadres commencent à s'intéresser un peu plus à l'islam à travers donc les traductions en français du Coran et d'autres documents islamiques. Et ils affichent encore plus leur islamité. Cela se voit lors des grandes prières du vendredi. Ils abordent même des tapis de prière dans leur grosse lignerie, un peu de tout ça. Tout naturellement, après avoir compris la religion, après s'être décomplexé par rapport à la pratique, on les voit financer des activités islamiques, notamment la construction de mosquées. Cocody, qui au début des années 80, qui ne comptait que deux mosquées, aujourd'hui compte près d'une vingtaine de lieux de culte musulmans. En plus, il y a également l'organisation donc, de séminaires de formation à travers le pays et même la sous-région, qui est une initiative de cette association. Et l'une des réussites fut la mise en place du séminaire international des responsables d'associations musulmanes, dont la première édition eut lieu en 1991. Ce séminaire a vu la participation de près de 150 délégués venus du Niger, de la Mauritanie, du Sénégal, du Togo, etc. Troisième élément, la prolifération des communautés musulmanes du quartier. Il faut dire que toutes les communes d'Abidjan vont se servir donc de l'exemple de la communauté musulmane de la Riviera pour mettre également dans chaque nouvel lotissement, chaque nouveau lotissement, une communauté. Et cette organisation, cette nouvelle organisation, qui est en rupture avec l'organisation donc ancienne des mosquées, cette nouvelle organisation donc, elle voyait donc la mise en place de comités de gestion au sein des mosquées et envisager même la question donc du salariat des imams. Et donc ce sont toutes ces communautés de quartier qui vont former à partir de 1993 la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. En conclusion, je dirais que par ces actions, la CMR a réussi à booster la pratique religieuse des cadres musulmans qui se sont investis à leur tour à contribuer au développement de l'islam en Côte d'Ivoire. Ils apportaient toutes leurs expériences en matière de gestion du groupe, leurs capacités intellectuelles et professionnelles pour moderniser les structures islamiques et présenter médiatiquement leur religion. Je vous remercie.